Don Diègue confie alors à son fils Rodrigue son épée et le soin de le venger. Rodrigue reste seul en scène.